Mission juge garçon pas fini. Mission juge garçon qui était consisté par exemple dans mener enquête là. Ça veut dire leur remettre dossier à n'importe quel, ça veut dire que enquête est achevée. Mission juge garçon qu'on y en a là, il prend le temps de réquisitoire définitif commissaire gouvernement. Et c'est à partir de réquisitoire définitif ça que il pourra aller préparer ordonnance de clôture là. Le juge garçon va remettre ordonnance de clôture là, qui prend l'ordonnance là, et bien c'est le ça que mission y apprend fait parce que le ça il va remettre dossier. Dossier pas même encore à partir de ordonnance de clôture là. Mais le commissaire préparé réquisitoire là, c'est non indépendance là. C'est lui-même qu'on y a là qui parle préparer réquisitoire que il va remettre par juge d'instruction. M'a rappelé nous que réquisitoire commissaire gouvernement, c'est réquisitoire définitif là, il pas lié juge d'instruction. Parce que juge là, c'est à partir de conviction personnelle li, c'est à partir de enquête que lui-même l'était mené, de monde que l'était interrogé, soit en qualité d'inculpé, soit en qualité de témoin, et tous les faits que juge là était gagné, que l'était capable de rassembler, qui pourrait aller permettre juge là, former conviction li, et puis pour le présenter ordonnance de clôture li, dans le meilleur délai qu'on y a. Rôle ministère de la justice là, c'est assurer que justice là bien administrée. Donc, ministère de la justice là, dans meilleure disposition, mais pas seulement disposition, volonté, et il toujours prend disposition pour accompagner tout fonctionnaire de justice capable d'accomplir le devoir de justice et surtout, n'est-ce pas, dans une circonstance pareille, côté que c'est la plus belle victoire que la justice est capable de remporter, pour que nous voyons que l'enquête, ça, nous ne pouvons pas le dire, c'est une enquête qui a fait, mais pour nous capables de dire, c'est une enquête qui aboutit. Et c'est le rôle du ministère de la justice, ça, nous paraît pour nous accompagner, mais pour nous aider la justice à avancer. Sénat République a refusé de prononcer le mercredi 13 juin sous requête sénateur Dany Toussaint voué par l'Assemblée sénateur pour mander au convoquer ministre justice la Gary Lissad avec directeur l'école magistrature Willy Lubin concernant accusation li te fait sous divers moun en particulier sous Willy Lubin dans quatre dossiers enquête sur assassinat Jean Dominique là. Pendant séance mercredi 13 juin, dossier arrivé dans mes sénateurs, c'est sénateur Prince Sonson-Pierre en premier qui te fait sénateur au connaît. Yo c'est parlementaire dossier a déjà nommé la justice. Parlementaire pas gain droit rentrer comme ça sous dossier ça. Indépendance la justice là c'est un bagage sénateur doit respecter d'après sénateur Sud-Est là Prince Sonson-Pierre. A demandé pour que la justice indépendante de l'exécutif là, c'est même demande ça nous fait tout pour que la justice lui-même lui indépendante du législatif là. Je pense que démarche ça sont démarche qui, à mon avis, qui prématurée et les pas dans la phase actuelle et dossier ça, dans le cours actuel que l'a suivre là, il est important que la justice lui-même il a prononcé sur tout dossier qui a un rapport à la question et les pas du tout dans le cas d'attribution Sénat de la République là pour aller interférer dans un dossier de justice. Donc c'est ça que fait moi-même position PAM en tant que sénateur, c'est que législatif là, Sénat de la République là, quitte justice là, fait travailler en toute indépendance et que le moment arrivé pour que Sénat lui-même lui positionne dans le cadre de procédure qu'il y a pour mettre sous pied, Sénat lui-même la positionnel, c'est une grande décision pour que le Sénat après lui-même la prenne grande décision ça. Mais pour le moment, nous pas du tout important et me quand même dit il pas même entrer dans le cadre d'attribution Sénat de la République là lui-même pour le temps d'entrer dans un dossier côté qu'il y a des accusations qu'a fait côté qu'on enquête qu'a mené, c'est pas du tout de ressort au parlement. Est-ce que c'est raison ça qui fait que vous t'es proposé pour te faire un report de séance là pour être capable d'analyser pour ces verbales sénateur Dany Toussaint te voyer dans le Sénat? Justement, c'est parce que nous ne pas comprendre le sens de démarche là. Il me dit bien dit dans le cas d'intervention maintenant que nous ne pas comprendre rationaler démarche là parce que il pas entré dans attribution Sénat de la République là pour la faire interférence dans cadre d'un dossier et de justice même si ça concernait un sénateur de la République. Seul côté sénat pour le prononcer dans quatre dossiers ça lui-même c'est lever ou pas immunité sénateur là. Donc tout en que nous pouvons arriver dans phase ça. Donc, le Sénat de la République n'a pas pour faire qu'une interférence dans le dossier de la justice. Et ça, qu'on demande un temps pour qu'on analyse le dossier de plus près. Et même prendre temps tout pour nous vérifier l'authenticité du dossier. Donc, il y a huit clos qui étaient faites. et que je crois que position par moi, qui position que m'exprimer tout, on y, parmi les sénateurs qui étaient présents, c'est que le Sénat lui-même n'est pas capable pour le moment d'interférer dans un dossier qui relevait de la justice. Et Prince, nous connaissons que Reporters sans frontières et fait état de menaces qui fait sous. Est-ce que ou même vous sentez que vous en sécurité? Donc moi pas senti du tout en sécurité. Effectivement, il y a des menaces que je recevais, des menaces que je recevais à travers des appels téléphoniques. Il y a des gens qui participaient à des rencontres qui informaient de décisions que de mauvaises décisions que tu avais prises à l'encontre moi. Donc pour le moment, m'étais très comme son un militant, m'étais en tant que militant très véatif et m'a regardé comment la situation a développé lui, mais il y a des mesures que moi-même personnellement prends en ce qui a trait à la sécurité. Pour sénateur Gérald Gilles lui-même, requête sénateur Dany Toussaint voyé bail sénat République là, il fait connaître un bagage qui gagne un petit danger la donne. Parce que li attire attention sénateur au côté parle sous danger qui gagne si parlementaire al foure koyo sous une enquête la justice a mené déjà. Mais seul danger m'a profité le vin a tendu li bagay ça. On a fait sénateur songer le Sénat c'est vrai constitutionnellement il est définitivement pour ériger en haute cour de justice. Mais ça va pas être sénat droit du tout pour de temps en temps pour épier le conseil la question justice. Le pouvoir judiciaire, l'indépendant du pouvoir législatif, tout le temps nous toujours paix abdil. Nous nous face en réalité parce que vous pensez, il y a un dossier comme ça, un document comme ça, l'État supposé relever surtout immédiatement de instants judiciaires qui concernent suite logique à lui. Parce que je pense que c'est fracassant et si ces révélations se révèlent véridiques, c'est encore beaucoup plus fracassant et ça va entraîner une confusion totale dans le cadre d'une enquête aussi importante pour la justice haïtienne. Dans la séance avec porte fermée qui était faite après, le sénateur a décidé pour c'est la justice qui fait travailler de façon indépendante. Nous rappelons le dossier enquête sur l'assassinat Jean-Dominique Lan reparaît une autre fois encore devant le sénateur. Première fois, c'était concernant invitation juge Claudie Gassan te voye bail sénateur Dany Toussaint pour demander le présenter devant cabinet d'instruction pour répondre question juge là. Malgré tentative blocage, sénateur Toussaint est obligé soumettre lui devant la justice. Kounia, sénateur Toussaint retourne dossier encore devant sénateur, mais fois ça, sénateur montré au plus prudent par rapport avec avant. C'est de l'absurdité. Parce que quand même, un juge de paix n'est pas capable de plus pouvoir que un juge d'instruction qui a mené enquête sur un dossier. Et un juge de paix n'est pas capable d'aller pour le faire en contre-enquête. Qui est-ce qui a l'autorisation pour le faire contre-enquête ça? Donc ça, c'est pas ça, son bagage qui est absurde, qui n'est pas chita sur rien. Et que qui n'a pas pièce force dans une procédure normale. Mais comme dans le pays ici, tout le monde entre dans tout sujet sans avoir besoin qu'on ait et qui ça la loi dit sur un bagage, etc. Donc tout le monde permet de parler de n'importe bagage sans pour autant avoir besoin qui ça a dit et sur qui ça a dit chita. Qui est-ce qui autorise le faire ça? C'est point d'interrogation ça. Est-ce que c'est le commissaire gouvernement qui autorise le faire ça? Est-ce que c'est le juge d'instruction qui autorise le faire ça? Donc, grande question, c'est qui est-ce monde qui autorise le faire ça? Donc là, c'est ça ne va comprendre. D'ailleurs, pas capable même parler son absurdité, pas capable parler de constat pour un juge de paix le fait sous ça un monde dit, pas capable constater ça un monde dit, ou capable mener des témoins pour qui pour venir et dire que mais ça a été tendé qu'a un témoin qui tendait avec Zoré, qu'a un témoin qui tendait qui ouais avec G, etc. Mais on capable à le constater, on fait, mais on pas capable à le constater et on ça un monde dit ou bien ça a été dit un monde dit. Ça n'a pas parlé là jeudi jeudi hein. Et c'est à connaître qui est ce monde qui était et bail juge de paix ça et autorisation pour l'amener en contre-enquête sur une enquête qui ont juge d'instruction a mené déjà. Si me comprends bien en particulier pas gain droit à voyer amener en enquête. Ben non, de quel droit? Bon, bon en fait, me pas comprendre bon. C'est ou plutôt d'où pas comprendre parce que pays boy c'était tout le monde pensait au café ça ouvrez gens ouvrez sans yo pas faire référence à ça la loi dit sous des questions. Pratiquement, jeudi, qui est samedi 16 juin 2001, moi, j'ai voyagé parce que je suis allé à la famille. Je me rappelle que la date de naissance, moi, c'est lundi 18 juin. Et ça va faire 36 ans. Donc, moi, j'ai aimé fêter l'anniversaire avec la famille moi, parce que je suis allé à Boïs. Et ça ne veut dire que je quitte le pays à pour autant. Nous avons toujours voyagé. Donc, c'est un voyage ordinaire, tant qu'on n'est pas qui voyage. Et m'a retourné. M'a retourné en Haïti. Et en ce qui concerne le dossier de Jean-Léopold Dominique et de son gardien Claude Dussin, en tout cas du double assassinat, et jusqu'à présent, balle en pied, ministre de Justice. Là. Nous apprêtons toujours pour parler avec lui. S'il prend les mesures qu'il faut, parce que lui connaît déjà qui ça a pour le faire. Il y a des sanctions pour le prendre contre le juge de paix à nous parler avec de ça sous ça. Il y a des sanctions pour le prendre contre le commissaire Evan Saint-Tuné, qui à maintes reprises fait des attaques sur nous. Mais espérer qu'il y a des mesures qu'il prend. Sinon, je pense que le ministre de Justice lui a continué à jouer Jean Lajoueur jusqu'à ce que lui-même lui décide, choisir ou bien désigner l'autre juge d'instruction sur le dossier. Mais en attendant, si le ministre de Justice prend mesures de sécurité que nous demandons pour le prendre, et mesures que nous demandons pour le prendre contre le commissaire 25 000, et le juge de paix, de toute façon, à ce qu'il paraît, suivant ce qui m'a été rapporté, le commissaire 25 000 ne parle pas relevé de l'autorité, le ministre de Justice, il semblait qu'il a relevé de l'autre autorité. Donc, je pense que ballon en pied, l'autre autorité, ça a eu. Je vois ce qui m'a été rapporté en tout cas, de source sûre. Je souhaite que vous prenez samedi en compte, parce que moi-même, je ne suis pas capable de fonctionner. Dans une situation comme ça, il y a des manifestations de oui avec des gens aussi violents que moi pas cité là. Je ne suis pas capable fonctionner dans une situation comme ça. Donc si il y a des mesures qui prennent, automatiquement, le retourner. Et n'a continué normalement. Est-ce que le ministre là écrit pour le dire rester sous dossier et puis est-ce que au même tout au moment des ministres garantit ça ou dit que la barre oui? Moi recevoir une lettre de ministre justice. De toute façon, qui dit que il pas accepter démission, comme toujours dit, c'est son droit. Dès qu'il doit pas accepter démission, hein? Et tout comme tout, il doit toujours rester sous position. Nous-mêmes, nous pensons que nous faisons des revendications qui sont assez importantes. Parce que si nous avons vérifié là, l'homme saute pas dans les potes, l'homme paraît dans un petit bout de langage, deux potes, petit bout de tout à la police, avec sept mounes là-dedans, nous sept coincés et entassés là-dedans, tant que ça dit. J'espère que le président n'a pas un type de cortège, ça, et le premier ministre n'a pas un type de cortège, ça, nous sommes là, d'abord, j'ai entendu la radio. Nous sommes venus dans un petit bout de machine et c'est lui-même que nous sommes là. Et juge Claude Gassin, il y a une organisation qui a défendu droit Mounio qui a hier été passé dans le bureau, qui a été demandé pour que vous agréez, pensez et retournez sous décision prend pour démissionner. Est-ce qu'on a tenu compte de la demande d'organisation qui a défendu droit Mounio? Bon, il faut m'expliquer ou bien que nous-mêmes, nous ne sommes pas chantage. Nous pas de chantage, nous sommes dans une situation qui est très préoccupante. Moi, je comprends la position de l'organisation de Douamounio et que si je vais aller plus loin que la position, je vais dire que j'ai intérêt pour défendre moi tout. Parce que dans la position que je suis là, je suis dans la condition pour m'assurer suite à l'enquête. Là. Donc, je me désolé. Hein. Moi, j'étais disponible. Si toute mesure ça reprend, je pense que nous sommes capables de retourner sous décision. De toute façon, hier, je m'apprends que vous êtes venu pour te rencontrer moi. Je crois que vous comprenez tout. La situation est en train dans la rue, fait que nous-mêmes, nous n'avons pas de cas aventurés dans la rue. Hein. Donc, nous sommes obligés de mettre dans la couvert. Je vais vous reconfirmer pour l'auditeur. Est-ce que Jean Parole Labdien, départ aujourd'hui, il n'y a pas de relation avec le dossier Jean-Dominique Lan, comme quoi c'est à un nègre qui a fait payer, qui était payé à cause de dossier ça, t'as trois choses dans le même. Débat, moi, je n'ai pas de relation avec le dossier Jean-Dominique, pas avec le dossier Jean-Dominique ou avec démission, en quelque sorte. Débat, moi, c'est un débat tout à fait personnel, comme moi, Julie. et moi gagne deux trois moi gagne quelques temps de me faire un petit voyage de me aller ouais famille moi là-bas donc c'est dans ce sens ça que moi me aller mais en même temps tout le qui est très important là-dedans c'est que l'est obligatoire que me déplacer parce que moi pas gagner sécurité qu'il y a là moi pas capable de continuer à me cacher chaque soir pour un travail qui a fait pour l'État donc moi c'est que il y a deux bagages là-dedans deux aspects. Il y a un aspect personnel là, mais il y a un aspect sécurité là tout. Est-ce que à partir de trois jours d'émission ça y vous sentez quand même gagner anti-casse volonté, bon côté, et ministère de la Justice et gouvernement en général, que vous avez remis le dossier avancé? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de monde qui contacte soit fait ça. Et de toute façon, tout, nous-mêmes, côté par nous, nous pensons que c'est une décision qui rend nous tout à fait confortable. Dans la mesure où ça permet que nous ne pas obligés à l'ambiance nous pour nous braver les dangers. Donc comme nous ne pas obligés à l'ambiance nous braver les dangers, ça veut dire que nous plus qu'à protéger tête nous. Plus ou moins. Mais souvent son situation qui est complexe pour tout le monde, que ce soit pour le cabinet d'instruction, que ce soit pour la population, que ce soit pour le gouvernement, supposé, mais en tout cas, et le fait est que dans tout le monde dans cette idée là, si on a un choix, c'est le gouvernement. Donc, nous espérons retourner dans combien de temps, juge garçon? Bon, pratiquement, il n'est pas tout à fait prudent que ma date que je retourne. Ce qui est sûr, c'est que je retourne aussi rapidement possible lorsque le ministre de la Justice a décidé. À moins que lui-même ait décidé pour le désigner l'autre juge, mais sinon, je le décide pour me venir à ma ville. Ministre de Justice, là, M. Gary Lissade, promet pour le satisfaire. Toute revendication juge Claude Gassin yo pour permettre les rendre ordonnance définitive liant sous dossier assassinat Jean-Dominique avec Jean-Claude Dussin. M. Gary Lissade annoncé les pral prend gros sanctions contre juge de paix Gabriel Amboise, sénateur Dany Toussaint, te mené à le poser trois prévenus en cabinet d'instruction, te mettre en prison. Question dans le cas d'affaire Jean-Dominique là. Quant à pour directeur service circulation, Pierre Even Saint-Tuné, ministre de Justice l'a indiqué, yo pral évaluer dossier ça et puis prendre les mesures nécessaires. Juge de paix, d'après rapport que le commissaire gouvernement voulait pour moi, c'est aller sous requête avocat et sénateur Dany Toussaint. Et c'est avocat sénateur Dany Toussaint qui fait juge de paix à requête là, qui mène accompagné dans la pénitentiaire nationale pour qu'elle soit capable de prendre des positions détenues. C'est une faute administrative de la part du juge parce que le juge d'instruction a mené une instruction, il y a des prévenus en dépôt à ses ordres, le juge de paix pas capable d'entrer à le questionner. Quoique, si nous prenons question en bien, étant donné que le juge Claudie Gasson a fini l'instruction, en rien, bagaille ça n'a pas capable ni instruction, cependant, c'est une faute. Qui sommes dit que le pas capable ni instruction? C'est parce que l'instruction n'a fini et que c'est ordonnance seulement. Il n'y a pas d'influence sur l'ordonnance. Juge là, il n'y a pas de tenir compte de ça. Simplement que le ordonnance et juge là qui commet faute là, faute liant, sauf faute qui peut être sanctionnée. Comment? Sanctionnant la sanction qui est égale, qui est proportionnelle à faute là. L'homme fini là, on va le réunir avec le conseil ministère là, directeur général et directeur affaires judiciaires ministère là, pour nous prendre, décider sous sanction. Et c'est une sanction qui va le montrer au juge qu'avant de faire des actions qui partent en règle avec la loi, il faut que le réfléchisse deux fois. Tout le genre de bagages ça pas renouveler encore. Directeur général de la police nationale là, Jean-Nestlé Lucien, qui t'a fait état de liste matérielle à moyen. Sécurité, yo te mette à disposition juge Gassan, reconnaître gagner dans zam yo te ba juge là ak machine yo te ba les tout qui te gen problème pour fonctionner comme ça doit. Nous avons total 10 policiers qui affectés avec. Nous devons mettre un peu au cas l'un croiseur qui le retourne nous parce qu'il y a panne pour le moment. Nous avons 5 gilets par balle. Nous avons 2 taurus, pistolet taurus dans le milieu. On gagne dans mes noms aussi, nous AK-47, nous galines, donc T65 avec 4 radios communication. Pour ça concerne AK-47 là, c'est un petit problème de vétérosité. C'est parce que on tombe une cartouche, qui pas cartouche AK-47 là-dedans. Il est bloqué là, mais nous, il voit tout un ballon, il dit pas bon. Là, là, nous voulons, nous allons mettre une mauvaise cartouche qui est rentrée là-dedans. Nous retirons la cartouche qui n'est pas bon, qui n'est pas bon pour AK-47 là, nous voulons tout un ballon. Il voit tout un ballon, on dit, c'est parce que vous n'y a pas vraiment de travail qui fait des petits problèmes. Nous nettoyons, nous clignons et nous voyons tout le monde. Ministre Gary Lissa, de l'autre côté, déclaré qu'il paraît pour accompagner avec toute force le juge Claude Gassan pour émettre les grandes dernières décisions dans le dossier Jean-Dominique. M. Lissa fait qu'on est disposé à recevoir toute organisation droit Mounio pour aider à mettre en place la sécurité du juge Claude Gassan, jour privé dans le procès criminel. Ça nous est que juge Claude Gassan fait pour chercher la justice là. Autant que juste garçon de bonne foi, et bien capable de dire nous, bonne foi, Pam, il y a 100% pour que Jean-Dominique et Jean-Claude Buisson joignent justice. M'a fait tout ça qui gagne en pouvoir pour que m'accompagner juge garçon, pour que soit capable de joindre justice ça, pour qu'il capable de bailler. Moi, à disposition, toute Ligue de droits humains qui t'a voulu rencontrer, qui voulait voir avec mes documents et surtout qui voulait voir qui moyen que nous mettons à disposition juge garçon pour qu'elle soit capable de gagner sécurité. Parce que nous croyons au niveau que nous y sommes là, c'est surtout question de sécurité que nous besoin. Ministre Gary Lissa reconnaît que cabinet l'a dirigé un tap travail pour sénateur Danny Toussaint. Cependant, le ministre Lissa a indiqué que comme ministre de justice, il n'est pas avocat, personne ne connaît. Mon cabinet d'avocats, qui gagne la donnée, les juristes les plus éminents de ce pays. Nous gagnons un gros cabinet d'avocats. Tout le monde doit venir demander consultation dans le cabinet d'avocats. Là où nous venons, quel que soit mon nom, et nous ne pas gagner une sectarisation. Nous te recevoir tout le monde, quel que soit. Je dis à, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit. L'homme d'avocat, je n'ai pas le droit de mettre, parce que gagner ça relève dans le droit. Secret professionnel. Moi-même en tant qu'avocat, je suis juré pour secret professionnel. Je ne peux pas mettre pour ni infirmer, ni ce. Lorsque vient dans le cabinet d'avocat, du moment que l'entrée sous le signe, n'est-ce pas, de la confidentialité. L'heure sortie, confidentialité, ça que tu dis en quatre murs, il était là, pas qu'à sauter dehors. C'est ça y aurait l'éthique professionnelle. Ministre de la Justice, M. Gary Lissa, voulait jeter accusation quelques organisations droit monde fait contre lui, comme quoi il était conseiller ancien général Raoul Cédras. M. Lissa rappelé comme ancien bâtonnier l'ordre d'avocat, il était toujours à défendre la justice. Ministre Gary Lissa, by nation en garantie, Jean-Dominique et Jean-Claude Lucien à bien justice. Il dit c'est un serment qu'il fait pour ça.